Bonjour et bienvenue à présent à une entrevue que je vais faire en compagnie de Philippe d'Autobahn Park. C'est un endroit situé au Québec qui me fait plaisir d'interviewer pour la première fois. Donc, c'est quelqu'un avec lequel j'ai échangé là, quelques reprises sur Facebook. Et ici, donc, David Lévesque au micro. Donc, c'est un plaisir, Philippe, pour te recevoir pour une première fois. Sur ma chaîne YouTube. Donc, ça va bien? Bonsoir, M. Lévesque. Très bien, vous? Oui, ben tu peux me tutoyer, là. OK, donc. Sinon, tu vas me gêner, là. Ah, non, je ne suis pas trop gênant. Parfait. Donc, c'est sûr que pour une première rencontre comme ça, j'avais le goût de discuter d'entrée de jeu de ton processus de conscientisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, entre autres, à la conscience supramentale? C'est à partir, ben, je vais reculer même un peu plus loin que ça, c'est à partir de la mort d'un de mes amis, que lui s'est fait frapper à l'âge de 17 ans, puis via ça, un de mes amis qui a amené, il n'y a pas d'hasard dans la vie, là, qu'ils disent, il y a une planche de Ouija, puis il m'a dit, il m'a expliqué un peu le principe, comme quoi qu'on peut parler avec les entités, puis tout ça, puis ça, mais moi... Ouais, ça me faisait ni chaud ni frette, puis j'étais pas. Même à cet âge-là, déjà là, j'avais 17 ans, j'étais pas dans la croyance pendant tout. Fait que là, c'est les deux frères qui commencent à jouer à Ouija, puis à tous les samedis soirs, on se rassemblait chez moi, puis on commençait à parler avec les esprits, mais moi, je touchais plus ou moins. Puis c'est le pion allait vraiment très, très lentement, puis c'est la journée que j'ai commencé à mettre le doigt sur le pion que le pion allait très, très, très, très rapidement. Puis toutes les questions qu'on posait, c'était vraiment cohérent, puis ça allait bien, puis ça coulait bien, puis ça, on a fait ça pendant un an de temps sans problème, puis là, je me suis aperçu que finalement, via les questions puis les réponses qu'on recevait, bien, Colin, c'est pas nous autres qui inventaient ça, là, des réponses de même. Fait que je me suis dit, bon, il y a une histoire d'invisibilité là-dedans, puis d'un autre monde parallèle. Indirectement, on peut pas se mettre la tête dans le sable, là, puis des histoires de fantômes. N'a pas le choix d'exister, puis à la limite des extraterrestres. Fait que j'ai fait des recherches un peu plus poussées via. Mais attends Internet. Une minute avant d'enchaîner sur d'autres choses. Quand que tu utilisais le Ouija, est-ce que tu percevais des présences? Non, je vois pas de présence. Je perçois pas de présence. Non, mais tu devais capter la présence d'une énergie qui te guidait. C'est difficile à dire. On dirait que c'est le doigt qui partait tout seul, mais je le ressentais pas en dedans moi. Puis j'avais pas un genre de feeling que quelqu'un était à côté de moi. Okay. Invisible, je parle, là. Oh oui. Fait que c'est ça, je comprenais pas le phénomène bien, mais visiblement, il y avait quelque chose qui se produisait sur la table que j'étais pas capable d'expliquer pendant tout. D'ailleurs, mes deux autres amis non plus. Puis là, plus j'en faisais, plus il y avait du monde qui s'accumulait alentour de la table parce que. Indirectement, j'étais en train de créer un genre de bug à la maison, là. Fait que j'ai attiré pas mal d'attention via ça, puis même que quand le monde voulait commencer à me payer pour avoir des consultations que je refusais, parce que je savais pas ce que je faisais, puis je contrôlais absolument rien. Ben c'est ça, si tu contrôlais rien, c'est-à-dire que tes doigts étaient guidés intuitivement. En plein ça. Je vais vous donner un exemple bien simple. Supposons que mon ami avait posé la question, puis je me souviens de cet exemple-là bien clair. Qui j'étais dans mon ancienne vie? Fait que là, moi et Claude André, on avait deux doigts sur le pion. Il marque Léonard Euler. Mais dans le mot Euler, il marque un H. Ma belle-sœur, elle saute sur le dictionnaire, elle fouille. Là, elle regarde dans le dictionnaire, elle dit, mais dis-donc, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? On lui pose la question, il marque mathématicien suisse. C'était écrit dans le dictionnaire, la même affaire, mot pour mot. Puis moi, j'ai fini mon secondaire 5 sur la fesse, là, puis je suis pourri à l'école. C'est pas moi qui vais aller me mettre le nez dans un dictionnaire avant. Là. Fait que c'était des affaires de même qui se passaient mur à mur tout le temps. C'est spécial parce que c'est délicat. Tu sais, ça veut pas dire nécessairement qu'il a été réellement ça, mais il a peut-être capté l'archive de la personne. Puis là, vous vérifiez d'une manière factuelle ce que tu peux avoir capté dans les archives akashiques? Peut-être, pas encore là, les archives akashiques, ça me disait zéro open bar, ça me disait absolument rien, ça. Je comprenais pas en tout le phénomène. Puis bon, dans ce temps-là, quand t'as 17 ans, puis tu fais face à ça, t'es facilement impressionnable. Ben oui. Fait que, ah non, c'était une belle expérience. Fait que dans le fond, ça t'a ouvert l'esprit à la réalité multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste la dimension physique, là. Ben, en plein ça. C'est là que ça a commencé à déclencher mon intuition. Fait que, veux pas, à cette époque-là, un peu catholique, c'est bon. Fait que là, je commençais à avoir des inquiétudes face à ça. Ouais, puis on va poser des questions. J'étais voir le prêtre, puis le mystère de la vie, puis tout, tout, et tout. Fait que j'ai dû crocher assez vite de là. Je voyais bien qu'il n'y avait pas de réponse à rien. J'ai grugé un peu plus loin sur Internet, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait des genres de groupes de chasseurs de fantômes, des affaires-là. Fait que, commençais à me coller un petit peu là-dessus, puis encore là, ça faisait pas vibrer, puis j'avais pas les réponses à mes questions. Fait que, puis ça, c'est dans un groupe dénommé Viviam. Puis je posais des questions plus punchées, puis plus crunchy, en voulant dire, non, ça marche pas. J'ai pas de concret, j'ai pas de viande autour de là. J'ai pas capable de mettre la doigt dessus. Puis là, c'est là que Sergio est apparu dans le décor. Il m'a parlé à côté. Il dit, peux-tu t'inviter sur Facebook comme ami? Il dit, j'aurais des questions à te poser. Ben Ça, oui. c'était en quelle année? On doit faire 6-7 ans de ça. OK. Puis pour que Ouais. les gens qui le connaissent pas, Sergio, c'est quelqu'un avec lequel j'ai fait des entrevues là, sur YouTube que vous pouvez retrouver sur la chaîne présente. Ouais, avec la moustache légendaire. Oui, ça fait bien sa moustache blanche. Oui. Un chic type en passant. Ben oui, il est très Je le salue gentil, bien. là. Ben oui, on le salue. Je sais qu'il écoute régulièrement les émissions. Fait que peut-être Ah. qu'il va avoir un petit sourire là, en nous entendant présentement. Oh, oui, on est dû pour un café, justement. Bon, fait que là, suite à ça, avec Sergio, lui, il m'a dit je trouve que tes questions sont pertinentes, puis t'es curieux, puis t'as l'air d'un gars qui est sur sa faim un peu. Puis là, c'est là qu'il a commencé à m'amener du matériel de Bernard de Montréal. Il fait waouh! Là, tu voyais que ça répondait à pas mal toutes les questions que j'avais besoin au fur et à mesure que je m'en posais. C'était comme ouvert une méchante porte ou un plan de vie incroyable. Fait que là, surtout quand il disait, surtout sa fameuse phrase, ne faut pas croire, moi, ça m'a scié les jambes, il dit, waouh, ça m'appelle vraiment parce que c'était comme ma phrase fétiche aussi, là. Il dit, regarde, je vais l'expérimenter, moi, ma phrase, c'est comme, je l'expérimente par moi-même, puis elle vienne que pourra. On verra bien. Ben oui. Fait que ça, dans le fond, ça veut dire que ça doit faire peut-être 6 ou 7 ans que tu touches au matériel de Bernard de Montréal. Entre autres, oui. OK. Puis via ça, j'ai connu un petit peu Daniel Kemp. Fait que je trouvais très très bon. Puis entre autres, justement, Monsieur Ménard, Daniel Ménard, j'aimais beaucoup. Fait que non, ça m'a ouvert un peu quatre portes là, sur la conscience supramentale. Puis justement, les manipulations mentales, mais les pensées qui viennent d'ailleurs. Puis c'est bon. On dirait que tout le casse-tête tombe en place. C'est ça qui est le fun. Ouais, ben c'est sûr que l'instruction supramentale de Bernard de Montréal élimine beaucoup de croyances, tu sais. Ben, je comprends donc, méchant coup de balai. Oui. Exactement, ça fait le gros ménage, tu sais, Je comprends par donc. rapport à toute l'astral, puis la désinformation qu'on a pu connaître du passé, puis des conditionnements aussi de la religion, entre autres. Ce que je trouve intéressant de son matériel, c'est que ça te remet vraiment terre à terre, puis d'arrêter d'être curieux aussi, là, parce que tellement, tellement de stock. Juste vivre notre vie matérielle sur Terre, c'est du stock en soi. Exact. Fait que tu n'as plein les bottes là, juste à gérer, mettons, les humeurs soit de tes enfants, de tes collègues de travail, de ta femme, supposons qu'elle m'accommode. Fait que c'est juste ça, c'est du stock. Fait que là, en plus de ça, tu t'en vas te rajouter à essayer de trouver les histoires des extraterrestres, trouver les affaires de l'invisible. Concentre-toi sur ton ici maintenant. Puis juste ça va t'amener un paquet de clés, puis ça va te remettre les pieds bien grandes dans la terre, puis ça va bien aller. Fait que là, c'est Ouais. certain, en plus, avec l'instruction de Bernard à Montréal, que tu élimines toutes les religions, comme tu disais tantôt, Ben, en fait, puis c'est les autres les égrégores. croyances religieuses, là, tu sais, Ouais. dans le sens que je ne ferais pas la guerre aux religions pour les éliminer, là, parce que ça me mettrait dans Ah. une position Délicates, non, c'est certain. Puis sont importantes encore les religions, mais je parle pour une personne qui est consciente, qui est rendue à ce moment-là, je parle. J'en Ouais, ai pas tout le exactement, au niveau monde, individuel, parce que c'est sûr qu'au niveau là. Ouais. collectif, ça sert de garde-fou à l'égard de comportements animalisés qui pourraient être débordants chez des individus qui sont trop sous l'influence de pulsions d'armes. En plein ça. Ouais. Donc, sont encore importantes. Puis c'est ça, je parlais justement à Bob tantôt, à un ami qui est venu à la maison. Comme quoi que, par chance, c'est ça que je trouve bizarre sur la planète Terre. Il y a trop d'écarts de. Je trouve qu'il y a trop d'écarts de. Comment on appelle ça? D'évolution. Là, ils sont dans l'évolution à côté, là, ça n'a pas de sens. Autant qu'il y en a qui sont très, très, très évolués. Mais en plus de ça, il faut qu'ils réussissent à faire un beau mille pas tout ensemble. Puis s'accommoder ensemble en même temps, travailler de pair. Si, bon, mais je suis en tour de force. Ouais, ben, la Terre, c'est une planète expérimentale. Fait qu'on va expérimenter ici différentes polarités, différents niveaux d'évolution par rapport à des habitants. Puis ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, en effet. Exact, mais je voulais revenir par rapport au Ouija. C'est-à-dire que Oui. après que tu aies découvert l'instruction de Bernard de Montréal, est-ce que tu as continué à utiliser le jeu Ouija? Du tout. OK. Ah, puis même j'avais arrêté, je pense, j'en ai fait juste un an. Je pense que j'ai arrêté 5-6 ans avant même que je connaisse Bernard. OK. J'étais pour mon côté curieux, était rassasié, puis j'en voyais pas vraiment l'importance de retourner là-dedans. Là. Puis, anyway, les réponses qui me sortaient de là-dedans, c'était vrai, c'était rien d'intelligent, ben, fait j'en voyais pas l'utilité. OK, mais est-ce que j'étais curieux de savoir, parce que des fois, quand les gens utilisent le jeu de Ouija, à travers ça, développent une certaine sensibilité, une certaine ouverture à l'invisible. Et c'est sûr que si la personne passe à une conscience supramentale par la suite, ben à ce moment-là, elle peut utiliser cette sensibilité-là, cette capacité d'être canal pour canaliser du matériel supramental. OK, ouais. Donc, j'avais pas pensé à utiliser ce médium-là, mais encore là, je voulais pas m'en servir comme béquille pour essayer de. Non, j'aimerais mieux justement ce côté-là, l'expérimenter par moi-même sans avoir Ah nécessairement besoin oui. d'un objet. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, c'est sûr que moi, Mais ça m'est pas venu à l'esprit, OK. non? Non, mais c'est bien correct. C'est sûr que c'est bien plus efficace de faire une canalisation directe à travers l'écriture ou la parole plutôt que de passer par justement le jeu de Ouija comme intermédiaire ou le jeu de cartes de tarot. Il y a différents tarots divinatoires aussi qui Ouais, existent. en effet. Mais Non, oui. mais vas-y. OK, non, mais j'étais curieux de savoir si tu avais expérimenté la canalisation directe. Non, mais encore là, je sais pas trop comment m'y prendre. C'est ça que je trouve particulier. Comme souvent, le monde me dit, oh, je suis capable de canaliser, j'entends les voix, je vois les fantômes, je vois aussi, moi, je vois, fuck out, j'entends rien. Je te dirais l'affaire la plus divine que j'ai en moi, c'est mon feeling qui me trompe jamais. J'ai des très bons feelings, mais à part ça, Mais non, pas tant, je suis pas médium. ouais, c'est ça, mais je veux dire, la canalisation supramentale, ça peut être tout simplement de traduire les feelings, les intuitions que tu as en les verbalisant avec des mots. Ah, ça, je suis capable. Oui, ça, c'est intéressant. Ouais. Bon, parce Ça, je que peux le faire, ouais. sur ma chaîne YouTube, j'ai fait notamment une vidéo récemment avec Malia, où je fais OK. avec elle un exercice de canalisation. OK. C'est-à-dire que je lui pose des questions ouvertes. Puis, ben d'ailleurs, on peut faire l'exercice un peu, là, si ça te tente, là. Ben oui, donc. Donc, l'exercice est très simple. C'est que je pose des questions vraiment générales. OK. Puis l'idée, c'est que tu regardes qu'est-ce qui émerge en toi en termes de réponse, spontanée, sans réfléchir, sans faire appel à du mémoriel, donc des choses que tu as apprises dans ton passé à l'école, mais vraiment spontanément. Qu'est-ce qui émerge? Un peu comme le brainstorming, tu sais, dans le domaine OK. des arts, de la publicité. On va faire un exercice de brainstorming, donc remue-ménage, jusqu'on amène les gens à parler rapidement, rapidement, pour pas qu'ils se censurent, puis ils regardent qu'est-ce qui émerge. Sauf que là, tu le fais au niveau supramental pour laisser ton esprit s'exprimer à travers toi. Ben parfait. OK. Fait que par rapport à l'exercice, c'est assez particulier. Parce que je vais te demander de tasser ton ego pour rendre ça impersonnel. C'est-à-dire pas OK. parler au jeu. OK, parfait. Donc, tu sais, si je te pose une question, faut pas que tu dises je pense que, mais je vais te Pas se le... poser de penser. C'est ça. Fait que, faut l'amener dans un mode impersonnel, comme si tu canalises l'esprit, tu regardes qu'est-ce qui émerge, puis c'est il me dit que. OK. Faut que tu sois détaché en termes De d'ego. moi-même. C'est ça. Faut que ton ego soit tassé, détaché. Puis là, tu regardes l'esprit, qu'est-ce qu'il te dit, puis toi, tu canalises ça. C'est-à-dire que ton intellect, ton cerveau sert à traduire en mots qu'est-ce que tu OK. perçois. OK? Numéro un. Oui. Parfait. Fait que je Et voyais. il comprend. Comment? Il comprend. Bon. Excellent. Fait que je vois que tu es déjà dans le mode réception. Ben oui. Donc, excellent. Fait que je vais te poser une question générale pour débuter le bal. Puis les gens qui nous écoutent, bien, vous pouvez faire l'exercice aussi chez vous pour goûter à l'aspect impersonnel de votre conscience. Puis la laisser émerger puis s'exprimer à travers vous. Donc, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est de la mémoire. Moi, je trouve ça, c'est de la merde. C'est pas bon. Je trouve que c'est un sorte. Ils voient ça comme de l'encre. Quelque chose qui nous ancre sur la terre. Puis qui nous emprisonne là. Qui peut. Je t'ai souligné de t'en parler. Ouais, moi, je vois ça Attends une minute, je comme une t'interromps parce ancre. que c'est pas évident l'exercice, OK? C'est ça, je t'arrive comme ça, brûle pour point, là. Les gens qui nous écoutent, il faut que vous sachiez qu'il n'y a rien qui était préparé à l'avance, là. Mais il faut pas que tu utilises le je, le moi. Faut vraiment que tu dises il me dit que l'âme, c'est telle OK. affaire. Faut vraiment que tu sois détaché. Comme s'il y avait quelqu'un d'autre à côté de toi, puis que toi, tu étais tout simplement là pour servir d'intermédiaire, puis transmettre sa parole sur le plan physique. Parfait. Elle recommence. OK, fait que vas-y. L'âme, c'est de la merde. Puis il me dit que c'est ce qu'il nous retient vraiment sur Terre. Il nous ramène pas au divin. C'est pas l'âme qui va nous faire avancer. C'est pas l'âme qui va nous faire évoluer beaucoup. C'est un gros, gros, gros voile. Moi, je vois ça comme un gros voile face OK, à nous. non, non, t'as dit, moi, je vois ça, il faut que tu me Ouais, gardes il voit impersonnel. ça. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est de se dépersonnaliser la parole, puis en même temps, je ne veux pas non plus être trop pointu avec toi, parce que je sais que c'est pas évident. Moi, ça fait des années que je m'entraîne à canaliser de manière impersonnelle, là, c'est un défi, là. OK. Il faut que tu te déconditionnes de ta façon habituelle de faire, mais je vais essayer de nourrir un peu le mouvement. Pourquoi que ils te disent que l'âme, c'est de la merde. Bonne question. Pourquoi ils me disent que l'âme, c'est de la merde? Faut que tu regardes ce qui émerge spontanément sans réfléchir. Je vais pas en être trop le blanc, là, mais attends, j'essaie de percevoir ce qui m'allume directement. Ils me disent que c'est. Ils me disent que la mémoire, ça ne fait pas avancer l'homme pantoute. Ça le maintient vraiment dans l'involution. Fait que, indirect, si c'est de la mémoire, tout simplement, tu peux pas avancer avec ça parce que tu n'es pas dans le mouvement créatif. OK. Puis qu'est-ce que l'être humain faut qu'il fasse pour qu'il soit dans le mouvement créatif? Vivre son moment présent, ici, maintenant. Puis arrêter de penser aux fausses égrégores, puis arrêter de penser aux modes, comment tu peux dire ça, le mot il vient pas, là. Pas Trouve aux qu'est-ce qui modes, c'est. S'en rapproche le plus. Si t'as pas le mot précis, c'est pas grave. Non, OK. Faut qu'il se détache de la mémoire de la race, tout simplement. Mettons, c'est le temps du vieux harnais. Là. On voit tout le monde se garoche sur le vieux harnais. Non, c'est pas le temps. Là, c'est vite un moment présent. Si ça ne t'intéresse pas, mais suis pas ça. Continue à avancer, puis nourris pas les mémoires de la race. OK. Puis, Fait que là, dans ce oui. temps-là, le mouvement créatif, ce que tu vois alentour, mais justement, t'es émergé de toute mode, puis de toute égrégore de ça, mais veux pas, c'est de la création qui va émerger indirectement au travers ton travail. Pas à cause que ton père, ça fait 150 ans qu'il travaille de la même façon, que tu es obligé de faire exactement pareil. Tu peux avancer, la technologie avance, puis à même titre que n'importe quoi d'autre. Je veux dire, l'évolution va pas tellement vite que t'as pas le choix de t'ajuster tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et est-ce que présentement le rythme de l'évolution des sociétés humaines s'accélère sur Terre? Incroyablement, depuis 100 ans, c'est effrayant. Ça n'a pas de sens. Il était temps qu'on mange un bon cuit au cul pour passer la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait en sorte que les intelligences sur le plan éthérique ont permis la création de mémoire sur Terre. Ouais, il me dit que c'est le développement de l'ego pour faire avancer l'esprit, ouais, le développement de l'ego. Face à ça, c'est ça qu'il a réussi à voir, que l'esprit, au travers de ça, va pouvoir avancer, évoluer, évoluer, évoluer, évoluer. Fait que voyons. Répète-moi ta question déjà. OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les mémoires ont été créées, c'est-à-dire qu'un être humain avec des mémoires a été créé? Ouais, c'est ça. Moi, je vois ça comme. Non, c'est pas vrai. Désolé. Il voit ça comme ça, le développement de l'ego. Puis ça a été créé par la mortalité de l'humain. Quand elle a eu la chute luciférienne, ça, c'est la mortalité de l'humain. Ça a commencé à. Sans grand, c'est là que justement l'astral a été créé. Fait que là, c'est à partir de là que les mémoires ont commencé à planer alentour, puis ça a créé ça. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la pertinence que l'astral a été créé, puis qui ont permis en fait les forces que le plan astral soit créé? Pourquoi qu'ils ont laissé cela émerger? Oh boy. Faut pas que tu réfléchisses là, faut que ça parte tout Non, non, seul. non, non. Ouais. D'accord. J'étais en train de me conditionner, mais on allait partir sur ce jeu, là. Pourquoi ils ont. Hey, c'est un bon exercice. Je l'aime, ton exercice. Ça fait travailler. C'est intéressant. Oui, mais J'aime ça. c'est pas évident parce qu'il faut que tu laisses ton ego de côté, puis il faut que tu laisses émerger. Ouais. Hein? Ouais. Là, ça crée des plans sur ton enregistrement. J'aime pas Non, ben non, y a aucun ça. problème, y a aucun problème. En fait, as-tu avec toi un crayon puis un papier? Oui. OK. Je te propose de faire quelque chose de très simple. OK. Tu fais des barres de gauche à droite, puis ça t'a mis dans un état de transe légère. Puis en faisant ce mouvement mécanique-là, parle, puis regarde l'impact que ça a sur ta parole exprimée à voix haute. Ah, oh, ouais. Ouais, tu vas regarder si, en faisant un mouvement qui est plus fluide, si simultanément ta parole va devenir plus fluide pour répondre à une question. C'est intéressant. On va essayer ça. Me ramasse un papier, là. Il n'y a aucun problème. Fait que là, les gens qui nous écoutent, faut que vous soyez Ouais. conscients que c'est totalement improvisé, là, ce qu'on fait présentement. C'était Oh pas. oui, il a fallu que j'aille fouiller dans la chambre à ma fille, là. Bon. Non. Fait que je vais travailler un petit peu, Philippe, à soir, mais c'est par rapport à un Non, c'est exercice correct, c'est parfait. que J'aime ça. les gens aussi peuvent faire à la maison. C'est-à-dire, vous pouvez poser une question à voix haute à une personne, puis l'autre, de son côté, elle peut prendre un papier puis un crayon, puis elle peut faire des barres. Puis quand on fait les barres, c'est pas des belles barres symétriques, là. C'est un mouvement mécanique de la main, de gauche à droite, okay. Tout simplement. Il y a aucun calcul. Mais quand on fait ça, ça induit un état de transe légère qui fait qu'on est plus dans un état de réceptivité. Puis ça nous permet de casser le mouvement du mental réflexif qui cherche. Ça fait bien du sens. Un peu comme, par exemple, dans le domaine musical, il y a des gens qui vont utiliser le bruit du tam-tam des chamans pour connaître okay. Un état altéré de conscience, c'est-à-dire en connaissant un son répétitif qu'on entend en répétition, comme le mouvement répétitif du crayon, ça induit un état qui altère un peu le cerveau pour le connecter plus à l'intuition, le ressenti, la sensibilité. OK. Ah, c'est intéressant. Fait qu'on va voir si avec toi, ça donne des résultats. Moi, je t'en parle parce que moi, ça donne des résultats. Ben oui. Donc, on va voir avec toi. Est-ce que là, tu as les outils envers toi? Je suis prêt. OK. Prêt à griffonner. Fait que je vais regarder ça le plus simple possible, ma question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les plans de la lumière ont autorisé la création du plan astral? Pour en faire un être divin, c'est une expérience humaine, tout simplement, une expérience vraiment incroyable qui n'a jamais été faite sur Terre. La plus grande, pour créer la plus grande création qu'il y a eu, je pense, dans le cosmos à travers là. Puis je crois que son. Non, il ne faut pas que tu croies. Il faut que tu saches. Elle croit, ouais. Mais faut pas que tu parles en jeu, là. Tu peux pas dire je crois dans l'exercice. Faut que tu dises qu'est-ce qu'ils te disent, eux autres. Ouais. Les plans de la lumière. Très, très, très grande. Très, très, très grande invention, très grande création, ce qui est l'humain. Ça va devenir un être vraiment divin, incroyable. Ça prend de l'adversité au travers de l'astral. Au travers de la perfection, ça prend de l'adversité. Et puis ça prend un côté dark, parce que tout ce qui est parfait, ça prend l'autre côté pour en faire quelque chose de complément. C'est très, très, très grand. On est tous observés de tous côtés, puis on est vraiment un plan d'intérêt pour tout le cosmos. OK. Puis, par rapport au plan astral, oui. Qu'est-ce qui se passe présentement sur ce plan d'énergie? De l'inquiétude, c'est le premier mot qui est venu. OK, excellent. De l'inquiétude de qui? L'inquiétude de nous voir à quel point qu'on se développe très, très bien, tranquillement, mais sûrement, mais qu'on va devenir une menace pour eux autres. Ben c'est ça, mais ils disent qu'il y a de l'inquiétude qui vient du plan astral, mais ça vient de quel être qui s'y trouve? Ça vient de quel être qui t'inquiète? Ouais. Que tu parles? Ouais. Colin, moi, c'est le mot qui me tombe en tête, c'est un ensemble. C'est un ensemble de groupements, c'est un ensemble de tous les êtres. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. OK. S'il n'y a pas de peuple ou de clan visé. OK. Ben, est-ce qu'on peut dire que c'est les êtres, dans le fond, sur le plan de la mort, qui sont décédés, qui nous observent? Puis se nourrissent de nous aussi. Exactement. Oui. On est dans un gros snack ouvert. Ben là, justement, étant donné qu'on va mettre notre pied à terre puis on commence à faire lever le voile, les autres n'aiment pas ça. D'où en partie une certaine inquiétude, oui. Exact. Fait que si tu continues le mouvement, là, donc de droite à gauche... Tu devrais voir mon dessin. Oui, c'est ça. J'imagine que tu dois plein de barres sur la feuille, là. Je vais te poser une autre question d'exploration. Vas-y. Qu'est-ce que la volonté? Très grande puissance. une très grande puissance qui fait avancer l'homme. Puis l'homme, avec une volonté, il peut tout réussir. Il n'y a pas de limite à ça. C'est, la volonté, c'est tout ce qui est exempt de peur. Puis, un coup, t'as pas de peur. Il n'y a rien à ta t'as pas de limite. C'est sans limite, ouais. C'est comme ça qu'il voulait la volonté. OK, puis qu'est-ce qui fait en sorte que l'être humain a des peurs? Le doute. Aussitôt que tu es dans le doute, il y a une partie de la peur quelque part. Ou une inquiétude. Ou, puis d'où est-ce que ça vient, manque de ça? Confiance en soi. Oui, puis d'où est-ce que ça vient, ça, le doute? Ça vient de nos croyances, nos passés, nos mémoires. Ah, mon père s'est pété à gueule quand il a fait telle affaire. Ah, je me souviens, non, je ne l'essayerai pas. J'ai trop peur. D'un coup que. Mm-hmm. Ou c'est ça. C'est tout ce qui est peur des mémoires. Les mémoires d'Arras. Puis, entre autres, c'est toutes les guerres qu'il y a, mettons, à travers le monde. Mais c'est tant en arrière de ça, il y a la peur. OK. Tu peux pas passer à côté de ça, c'est chiant de même. Donc, on parle de la peur, on parle du doute, on parle des mémoires. Puis derrière les mémoires, d'où est-ce que ça vient, ça? D'où viennent les mémoires, c'est... D'où viennent les mémoires? Puis, ça vient de la... c'est le mot qui me vient à la tête, là. Ça vient de l'astral, ça, tout simplement, pour essayer de nous empoisonner encore un peu plus. Ouais. Ça vient de l'astral, ça, c'est pour essayer de nous garder dans l'ignorance humaine, là, totalement. Mm-hmm. Ouais, c'est pour nous mettre un peu plus de poudre aux yeux, là. Ouais, c'est ça. Puis... un piège astral. Ouais. Bon? Oui. Oui, ouais. Oh, oui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On fait un exercice. Ouais, je m'attendais à ce que tu dises. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'on se promène depuis tantôt, puis j'essaie de... là, je retourne au jeu, là. De t'amener tout le temps à la cause, là, tu comprends? Non, c'est correct. On aime ça. OK. Ah, je vais retourner à quelque chose de plus objectif. Qu'est-ce que l'intelligence... Bon, c'est du mémoriel. Point. Non, l'intelligence, excuse. L'intelligence, c'est tout ce qui est de l'intelligence. Faut pas que tu réfléchisses puis tu cherches. Faut non. Que tu regardes ce qui émerge puis tu le parles, ouais. Spontanément. Exact. L'intelligence, ça vient... OK, on va faire quelque chose. Les bords que oui. Tu fais, fais-les plus rapidement pour accélérer le rythme, pour que tu parles. Okay. Je vais te proposer d'accélérer le rythme de ta parole, puis tu vas voir qu'à un moment donné, ça va finir... ben, ça peut finir à parler tout seul. C'est pété, là. C'est ça te sort de ta zone de confort. OK, donc il n'y a pas de problème. Okay. L'intelligence, c'est du feu. L'intelligence, c'est carrément de... ouais, c'est créateur. C'est je peux te donner... il peut t'amener des exemples concrets. Mettons, c'est intelligent, une personne est main bien pleine, mais juste y ouvrir la porte, ça, c'est la pure intelligence. Ça, tu laisses passer... Ça, c'est intelligent. Ou donner un coup de main quand tu vois que c'est quelque chose qui va faire avancer l'homme. Mm-hmm. Intelligence, oui. C'est quelque chose qui va faire avancer l'homme, tout simplement. Comme déprendre quelqu'un dans de bonne neige, bien ça, c'est intelligent, ça va le faire avancer. Fait qu'indirectement, il y a des conséquences à ça qui vont venir, que ça va tout débouler à la longue dans la vie. Face peut-être un coup de main, puis c'est pas là, tu veux même être intelligent, tu peux tout péter un paquet de karma au travers de ça, là. C'est certain. Un va pas sans l'autre. Ouais. Je te dirais, c'est une potion antikarmique sur l'intelligence. Ouais. Ouais. C'est ce qui m'émerge. Ouais, c'est bien. Là, j'ai vu que tu étais plus dynamique dans ta parole. Fait que c'est bien. Ça ouais. fonctionne. Est-ce qu'il y a un petit coup chouette? Oui, c'est voulu. C'est-à-dire que okay. ça te sort de la réflexion. Tu peux pas réfléchir. C'est un peu comme quand une personne va jouer à un jeu télévisé, puis il y a quelques secondes pour répondre. Ouais. Ça crée une tension énergétique pour l'amener à parler. Il va perdre de l'argent. C'est ça. Sinon. Donc, on va y aller avec une autre question. Oui. Est-ce qu'il y a une distinction entre l'intellect et l'intelligence de l'esprit? Une grosse. L'intellect, c'est seulement de la mémoire. C'est des affaires apprises par cœur, comme mathématiques, français, puis tout ce qui est académique, dans le fond. Mm-hmm. Puis l'intelligence de l'esprit, c'est ce qui est intelligent, c'est des affaires évidentes, c'est la bienséance, même des fois que c'est intelligent, mettons que je parle à cause de tes enfants, mais t'élèves tes enfants, puis tu sais qu'à long terme, ça va être payant, mais pour le moment-là, c'était mal vu comme père, mais c'est intelligent de le faire, justement, d'élever tes enfants d'une certaine façon. Parce que tu sais qu'à long terme, ça va, c'est pour son bien pour l'enfant, ça, c'est intelligent. Oui, mais l'intellect, c'est du mémorial, puis c'est, ça parle, mais c'est du par cœur. Mm-hmm. C'est ça la distinction. OK. Qu'est-ce que l'amour? Ça va un peu dans le même sens que l'intelligence. C'est l'amour, c'est très, très, très, très puissant. Puis par amour, tu vas faire vraiment des gaffes monumentales. Autant que tu peux être très, très, très créateur, autant que ça peut être... l'amour, ça peut être destructrice pour une personne qui comprend pas l'amour, mais qui va penser que c'est de l'amour. C'est difficile à dire, Conan. Quelle façon tu pourrais bêter ça? Faut que tu enlèves le jeu. Faut que tu regardes qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'amour. Ouais, c'est destructeur. Non, c'est très, très, très créateur, l'amour aussi. Puis c'est. Ouais, t'as une minute. Ouais. Non, c'est. Ça peut être réconfortant, mais pas tant que ça. L'amour, c'est vraiment constructeur. C'est créateur. C'est pas mal. C'est par amour, tu vas faire grandir tes enfants, mais eux autres, ils sentiront. Comment je vais dire ça? C'est une zone, grosse zone de confort. C'est pas une zone de confort, c'est protecteur, Caroline, je cherche le mot. Désolé. Il n'y a aucun problème. Ouais, c'est rassembleur, c'est. Non, ça, c'est trop spirituel. Mais c'est intéressant parce que time out, là. Juste te faire observer des choses, puis tu pourras écouter l'enregistrement après, que ta parole se réajuste. Tu sais, quand tu dis que c'était trop rassembleur, moi, ce que j'ai capté intérieurement, mais je ne suis pas intervenu, c'est que là, il y avait l'aspect collectif ou spirituel. Je veux casser ça, c'est pas ça pendant tout. C'est ça, mais tu vois, ça s'est tassé dans ta parole sans que j'ai eu à intervenir. Mm. Puis moi, je l'ai capté en même temps que ça te dit intérieurement que c'était pas ça. Ouais. Fait que l'ajustement ou le travail de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée qui s'opère dans la canalisation, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut commencer une phrase d'une certaine façon, puis en cours de route, en la parlant en voix haute, on se réajuste, puis on va raffiner la parole pour favoriser l'approfondissement puis une plus grande compréhension du réel. C'est ça qu'on appelle l'ajusteur de pensée, finalement? Oui. Ah, intéressant. Enchanté. c'est lui qui ajuste la pensée de l'être humain. Oui. Pour que l'être humain ait une pensée de plus en plus juste à mesure qu'il vit la fusion avec l'esprit. Mais spontané comme ça, des fois, là, je vais sortir des affaires intelligentes, puis waouh, c'est comme, OK, là, dans des grands livres, puis d'autres fois, poup, dans le champ gauche. Mais c'est la raison pour laquelle il faut être capable de sortir de la réflexion. Puis, on peut poser la question. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'ajusteur de pensée? C'est quoi l'ajusteur de pensée? C'est... C'est une personne qui nous ramène sur la bonne voie constamment, constamment, constamment. Il faut nous casser nos anciens patterns, nos anciennes façons de penser, justement, pour nous ramener, nous ramener, nous ramener, nous ramener, nous ramener. Il travaille sans relâche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous talonner. Ouais. Il nous observe constamment, puis il ajuste, il ajuste, il ajuste. Même, puis c'est pas juste ça au travers de nos pensées, puis nos paroles, c'est au travers de nos actes aussi. OK, donc l'ajusteur de pensée va ajuster à la fois la parole et les actions de l'être humain. Oui. Dans quel but? Évolution, évolution, évolution tout le temps. Tout le temps via l'évolution. Puis en faire un être parfait. Intéressant parce que quand je t'ai C'est posé parce le... qu'on est dans une grande école. Excuse-moi, je t'ai Oui, coupé. non, vas-y, vas-y. L'école de la Terre est une grande école. Fait que on est là pour travailler, travailler, travailler. Fait que c'est ça qu'on fait. On travaille, on travaille. Puis là, c'est ça. C'est une belle science qui est arrivée sur Terre, puis on en profite. Qu'est-ce que la science de l'esprit? La science de l'esprit. On débloque pas ça. Mais là, il faut que tu contestes le silence. Si tu ne donnes pas Ouais. l'information, il faut que tu contestes le silence, puis tu montes en vibration, Exact. puis là, tu dis, c'est quoi ça, la science de l'esprit? Ouais, c'est quoi ça? Mais ça cause le lien que le mot passe partout qui venait dans la tête, là, puis c'est pas bon, c'est pour ça que tu vas entendre. Fait que pour moi, il me joue des tours, là. Non, non, Fait mais attends une minute, que. attends une minute. La science de Ouais. l'esprit, c'est ce qui te permet de passer partout parce que tu deviens multidimensionnel, puis tu comprends la totalité du réel. Ben oui, avec la C'est science bon. de... Ben oui. Oh, ils ont fait un travail d'équipe, puis ils ne savent même pas. Oh, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça n'a pas de frontières, ça, la science de Ben l'esprit, oui, ça. c'est pas Non, limité ça à n'a une pas de. langue, Pas en tout. c'est Non, non, du infini. tout. Ça te permet de passer dans toutes les dimensions, en tout Puis avec ça, tu temps. peux parler avec n'importe quel être humain sur Terre, dans le fond, avec la science de l'esprit, parce que t'es exempt de toute religion puis de toute croyance. Ben Fait que tu peux jouer exactement, avec n'importe qui. c'est Ouais, ça. c'est intéressant. Ah, j'aime ça de parler, toi. Ah, Ah, c'est ben fun. je le capte parce que là, on monte en vibration, puis on a du plaisir ensemble en même temps, là. Oh, nice. Excellent. Puis tu me le pitches en pleine face, cette vibration. C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, ben je suis content que tu vois sur le cap, puis sans doute les gens qui écoutent l'enregistrement vont le capter aussi que si à un moment donné on pose une question puis on est bloqué, ben il faut monter en vibration, c'est-à-dire en puissance de contestation Ouais. pour aller chercher la réponse, pour que la réponse émerge. Ça, c'est un exercice qu'on pourrait, n'importe qui peut faire chez eux, sur le coin dans le salon, puis entre Exactement. deux personnes dans le même, c'est vrai. Ouais, c'est un bel Exactement. exercice, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'il te dit, l'esprit, par rapport à l'évolution humaine? Très lente, mais sûrement. OK. Oui, il y a du gros travail à faire au travers ça. C'est ardu, mais l'évolution humaine, d'avoir sans. Qu'est-ce que tu veux me dire par là, l'évolution humaine? Ah ouais, aide-moi un peu là. C'est quoi ça, Ouais. l'évolution humaine? Ouais, l'évolution humaine, c'est que c'est ce qui permet justement d'avancer un peu, d'avancer puis à venir un produit final. Dans le fond, on est incarné sur Terre pour avoir un produit, jamais je créerai. Fait que, ouais, c'est ça. Non, c'est pour avoir un produit final puis finir par pour retourner justement au plan moral éventuellement. Fait que il faut passer par l'évolution. L'évolution, c'est tout ce qui est en dehors de l'involution, c'est le contraire. Fait que c'est tout ce qui est en dehors de toute mémoire, de tout doute, de toute peur. Ça, c'est l'évolution humaine, ça. Bon, un coup qu'on va être affranchi de la peur puis du doute, l'homme va évoluer de façon encore 100 fois plus rapidement. pas près d'arriver. Ben, qu'est-ce que l'homme peut faire pour favoriser son évolution personnelle? Ici, maintenant? Ouais. Ouais, à dire cette phrase-là, là, indirectement, moi, je vois ça comme dans mon esprit, là, comme un coup de masse. Paf! T'arrêtes toute pensée, tout ça, immédiatement, puis t'avances. C'est miraculeux, ces deux petits mots-là. OK. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Donald Trump? Il va faire avancer l'humanité. À cause, ça prend des chocs pour faire avancer l'humanité. Ça prend des coups de masse pour faire avancer l'humanité. Fait que les Américains voulaient avoir du changement. Ils n'ont. Fait qu'il va falloir qu'il fasse ça. Mais lui, il va faire mal à l'humanité de façon très, très radicale. Puis ça prend des chocs, mais c'est ça. On a notre choc. Là. Concrètement, comment il va faire ça, mal à l'humanité, le président des États-Unis? Ben, partant là, il est en train de tout de faire du ménage tout alentour des États-Unis. C'est-à-dire, il se met tout le restant de la planète à dos. Puis tout ce qui est pour faire tout ce qui est accord de paix ou c'est tous ces accords-là, l'ONU, puis l'ALENA, puis tout ça, c'est tout en train de faire péter ça. Tous des gros travails qu'ils ont fait au niveau politique, tout en train de se mettre des autres pays à dos. Ça n'a pas le choix, ça va péter ça. De quelle façon concrètement, je ne sais pas comment il va faire ça. Mais encore là, il y a d'autres forces qui travaillent contre Trump aussi là, pour l'empêcher de faire trop de niaiseries. Là. Il s'est fait faire mal à elle déjà une couple de fois, puis fait sauver les fesses quelques fois en plus, mais ça sera pas évident. C'est une job de bras de fer autant des démocrates que des républicains. OK. Et je vais changer complètement de sujet, là. Oui. OK. Qu'est-ce qui dit l'esprit par rapport aux enfants qui naissent à l'époque actuelle? Ce qui me vient à l'esprit, c'est enfants indigo, puis déjà, toutes les TDAH puis les TDA qu'on voit, mais ça, c'est justement c'est à cause, en partant là, eux autres sont déjà sur une coche au-dessus des autres. Fait qu'on les voit pas normal, mais on les endort avec des pilules et tout ça pour les faire mal. Le ferment attrape un peu, là, puis je pense que c'est une grosse erreur, parce que justement, ils sont plus dans le. Tu les enlèves de leurs avantages qu'ils ont déjà sur nous autres, ils sont plus dans leurs esprits. Puis, quels sont les changements sociaux qui se préparent pour la société actuelle? Changements sociaux. Excuse-moi, juste reprendre ta question, je la comprends mal. OK. Sociaux, je comprends pas le sociaux. OK. Excuse. Quels sont les changements de société qui se préparent par rapport à la société actuelle? Un flash qui me vient, c'est des gros bouleversements. Je m'en fâche dans mes mots. Des gros bouleversements, puis il y a des. Au niveau, je pense, c'est plus. Plus bancaire, plus financier, puis déjà là, ça, on commence à en avoir des répercussions en France, avec les gilets jaunes, fait que sinon, ça va bouger, puis niveau, via l'esprit aussi, niveau scolaire, ça risque de brasser pas mal aussi à ce niveau-là, je pense qu'il commence à avoir un écœurant titre de la réforme scolaire en général. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres changements que l'esprit dit qu'ils vont avoir cours dans les prochaines années? Indirectement, il va y avoir des gros changements au niveau climatique, mais ça va avoir des répercussions au niveau social aussi. Là. Mm-hmm. Fait que ça s'enligne là-dessus des grosses sécheresses. Ça va faire chaud, ouais. Puis ça, niveaux sociaux, tout ça, puis la montée de dépression effrayante encore, ça ne sera pas freiné, là. Ouais, c'est. Sont faciles à gâcher avec des pilules au lieu de trouver la source du problème. Puis par rapport à la médecine, justement, est-ce que il y a quelque chose en particulier qui émerge par rapport à son évolution dans les prochaines années? Oui, Caroline, ça n'arrête pas d'évoluer, ça, la médecine, c'est très, très, très, très fort, très, très, très poussé. C'est des belles poussées, mais encore là, c'est la médecine. Deux sortes de médecine, alternative, puis la médecine, on va dire, avec les pilules, là, plus concrète. Mais médecine alternative, puis les soins des mains, puis ces affaires-là, ça va venir encore très, très, très, très fort. Ça va pousser énormément aussi à ce niveau-là, puis le monde va se diriger un peu plus vers ça, mais ben, des poussées plus conventionnelles aussi, ça travaille corps à base, et ils vont venir à un moment donné à faire un partenariat, je pense, ensemble. Mon crayon écrit plus, je vais te passer toute l'encre. Je comprends. Non, c'est correct. On va chercher un autre. OK. J'ai pas nécessairement l'intention de te faire passer à travers tous tes crayons à soir, là. Non, Mais non, t'as gros, j'ai pogné un vieux crayon sur ça. non, OK, c'est bon. c'est bien correct. Mais le but de l'exercice, c'est de t'amener en état de réception, de réceptivité à l'esprit, puis de te dépersonnaliser à travers la parole. Ouais, je pense que je pourrais l'essayer aussi en marchant, peut-être ça pourrait fonctionner. Oui, parce que Ouais. tu es dans le mouvement des pieds. Ouais, exact. Sur la main ou les pieds, c'est du pareil au même. Mais tu pourrais peut-être le même le faire en jouant du tam-tam, Non, comme les ça chamans va déranger les autres ici à la avec un maison, par tambour. Boum, boum, boum, boum. contre. Ouais. Ben, je vais te faire un beau dessin. Ben, je vais te faire une belle photo de mon dessin à la fin. Je vais t'envoyer ça. Pourquoi pas? Donc, T'écoute. OK. Donc, je vais y aller avec une autre question impersonnelle. Vas-y. Qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation, c'est tout simplement des successions de vie qui nous permet d'évoluer puis d'aller d'expérience en expérience, puis erreur. Tout simplement, c'est tant aussi longtemps qu'on ne trouvera pas la sortie. C'est ou le déclic, le fameux déclic pour s'affranchir du plan matériel. Fait que ça peut aller jusqu'à 500 incarnations, ça. Faut pas Mais être pressé, je pense. qu'est-ce qui fait que l'être humain n'a pas le déclic? Ben, toutes les croyances, le doute, la peur, les mémoires, c'est les égrégores avec qui tu travailles en général, avec qui que tu passes ton temps, puis surtout s'affranchir de la mémoire et de la croyance, là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de déclic. C'est un gros, gros, gros voile qui nous est devant les yeux. Fait que tu peux pas vraiment rester dans ton ici maintenant puis travailler ton moment présent parce que tu es tout le temps voilé. Et qu'est-ce que l'être humain peut faire pour se libérer de ce voile? Arrêtez de parler tout le temps du passé. Arrêtez de parler du passé constamment. Puis, ah bon, là-dessus, de ce qu'a fait lui, là-dessus, de ce qu'a fait là. Puis, casser le mémérage, tout simplement. Puis, quand tu parles, mais d'avoir une parole créatrice, avoir une parole créatrice, mais c'est quelque chose qui te fait avancer constamment vers l'évolution. Une parole créatrice, c'est c'est très, très, très puissant, une parole créatrice. C'est à travers ça que t'émerges des belles idées, c'est à travers la parole créatrice que tu vas pouvoir te libérer de tout ça puis évoluer une bonne fois pour toutes, là. Et qu'est-ce que la fusion, qu'est-ce qui dit l'esprit par rapport à la fusion? La fusion, c'est tout ton bagage de vie, tes bagages de vie que tu as eu, c'est qui fait un avec ça veut dire les mémoires, qui fait un avec le feu, qui te fait avancer avec l'esprit. Le feu, l'esprit, c'est ça qui te fait avancer avec l'âme. Fait que ça, ces deux-là, ils se conjointent l'un l'autre. Au lieu de se battre l'un l'autre, ils viennent à se fusionner. Il y a de la misère à te l'expliquer. Ouais, c'est la fusion, ouais, c'est la façon qu'il voit. C'est. En fait, je t'interromps. Oui. Il faut que, dans le fond, tu le parles, mais tu le réfléchis pas, tu le commandes pas. Tu dis pas, j'ai de la misère à l'expliquer. Il faut que tu le fasses jaillir dans un geste spontané, là. Ouais. Je l'ai une fois sur deux, je te dirais. Mais c'est correct aussi, c'est la première fois qu'on fait l'exercice. Il faut être indulgent envers soi aussi, là. Oh, ouais, je suis d'accord. Moi, je fais juste t'accompagner là-dedans, puis c'est sûr que, dans le fond, quand ça fera des milliers de fois que tu fais ce genre d'exercice-là, tu vas voir où est-ce que tu vas en être, là. Mais là, c'est sûr qu'il faut être doux en même temps envers soi parce que tu commences, là. Ouais. Merci. Oh, oui, bien, c'est très bon, là, pour l'instant, là. C'est très intéressant. OK. Ben, c'est des bonnes questions. C'est des questions assez musclées. C'est ça, Moulin. Ouais. Ça vise à être des questions assez générales. Oui. C'est de très bonnes questions. En plus, c'est ça qui. C'est au travers de ces questions-là que le monde vont pour se poser des questions à travers ça pour pouvoir évoluer par la suite puis s'ajuster au fur et à mesure. Exactement. Qu'est-ce que le destin? Le destin, c'est une programmation qui est faite avant même l'incarnation, que tu peux pas déroger, puis tu peux pas changer le destin. Tu la vives, puis that's it. C'est. Ouais. Tu peux pas déroger du destin. Le destin, c'est déjà programmé d'avance. C'est déjà fait, c'est déjà sur les plans. C'est programmé par qui? Ben, par nous-mêmes, avant de s'incarner sur Terre, par l'âme. Puis par rapport au destin de l'individu, est-ce que l'esprit a un rôle à jouer? Moi, ce qui vient spontané, là, Oui? l'esprit, il n'y a pas vraiment un rôle à jouer là-dedans. C'est du feu. C'est seulement. C'est la. C'est. Il est assoiffé d'expérience, l'esprit. Il est là pour apprendre, puis il va avancer, avancer, avancer, avancer, avancer, tout simplement. Fait que s'il y a. C'est pas lui qui s'occupe du plan de match, pas en tout l'esprit. Il est là pour faire évoluer. Il est comme, comme je pourrais dire ça, t'es comme un l'esprit, je vois ça comme un c'est t'as pas le jeu. Un cheval fou, là, super fougueux, là, qui est envoyé un fringant dans. Puis l'esprit, c'est que énergie, puis que force, que. C'est pas lui qui. Sur Terre, c'est l'âme qui mène la balle. C'est plate à dire, c'est l'âme qui mène la balle. Puis l'esprit, lui, c'est lui qui fait avancer l'âme tout le temps, tout le temps, tout le temps, par sa puissance. C'est moi lui. OK. L'esprit, est-ce qu'il dit que l'esprit et l'âme sont tous les deux fougueux comme le cheval, pour employer l'exemple? Non. Juste l'homme, il est plus mesquin, il est plus noir, l'homme, il est plus ratoureux, si tu préfères. L'autre, c'est du feu pur. C'est. Ouais. Pourquoi que l'esprit, c'est du feu? Ben, ça vient du plan Morantiel. Ça vient du. C'est pur, pur, pur. C'est ce qui est tout. création, c'est à la base de toute création, au travers un vieux Kleenex, à travers une plante, au travers n'importe quoi, la neige, tout, c'est du feu, c'est créateur. Puis l'âme aide à peaufiner ça, puis à finir ça. Pourquoi que le feu, c'est créateur? Ben, je dis... pourquoi c'est créateur? Ben, le feu, moi, l'énergie, je préfère, ouais. C'est plus approprié de l'énergie. Je dis feu, mais c'est l'énergie, c'est la pure énergie puissante. OK. Ouais. C'est plus l'énergie que du feu. Mais c'est intéressant parce que pendant que tu fais l'exercice, puis il y a des blancs, ben moi, ce qui est émergent en moi, c'est énergie de déploiement. Le feu, c'est déploiement. Oui, une énergie de déploiement, c'est-à-dire une énergie qui se manifeste. OK. Ah ouais, oui. Oui. Des fois, je oui. Comment dire, c'est bon. Je vois un peu en complémentarité avec toi, là. Ah, c'est correct. Mais c'est pour te dire que, puis les gens qui nous écoutent aussi, c'est que vous pouvez poser la question à quelqu'un, puis en même temps, ben, il y a une réponse qui émerge en vous, puis ça peut être complémentaire au propos de l'autre. Mais on va poursuivre. Puis là, je ferme ma petite parenthèse. Je vais retomber en non, mode. Mais c'est bon parce que ça me fait souvent ça, des fois, dans une conversation, puis avec quelqu'un en dehors, puis ça me pop souvent des complémentarités de même. Puis là, c'est là, Colin, c'est vrai, elle n'a pas vu ça de même, puis ça complète sa phrase, puis ouais. Ça, c'est bon, OK. Donc, c'est intéressant d'aborder dans l'interface de la parole qu'on fait présentement en mode canalisation. Bien, tous les deux, on peut recevoir des choses. C'est un peu comme l'histoire de l'éléphant. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, 5 aveugles autour d'un éléphant. Puis chacun touche à un aspect différent. Il y en a un qui touche aux oreilles, il y en a un qui touche au nez, l'autre les pattes. Ils perçoivent chacun un aspect différent de la même chose. C'est vrai. Ah oui. Ah, c'est bon, ça. Fait une qu'on belle peut analogie. C'est ça. Fait qu'on peut capter la même réalité, le feu de l'esprit, mais selon notre vocabulaire, selon notre cadre conceptuel, ben on peut percevoir des nuances qui vont être différentes. Oui. Puis ça, t'as pas de mauvaise réponse. Exactement. Puis c'est pas... c'est ça dans l'optique de dire « Ah, ben moi, j'ai raison, j'ai la vérité, toi, t'es dans le mensonge, ou tu sais. » Il n'y a pas de guerre d'ego là-dessus, là. J'ai cette chance-là. Moi, j'ai pas d'ego. J'ai jamais eu ça. En tout cas, très peu. Faut jamais dire jamais parce qu'on peut être testé aussi là-dessus, mais là, ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est exact. Mais ça, justement, qu'est-ce qui dit l'esprit par rapport à la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? C'est spontané de même, c'est un mensonge, c'est une polarité qui a été créée justement pour nous mettre dans l'essai, puis dans le doute, puis dans la peur via ça, parce que tout est relié ensemble. T'as pas de vérité, t'as pas de mensonge, puis à cause, c'est une polarité, il faut tout détruire les polarités. Ouais. Et si l'être humain veut sortir de la vérité et du mensonge, qu'est-ce que l'esprit te dit qu'il doit faire? Y aller avec son discernement. Pas plus jouer avec les polarités vrai mensonge. Y aller avec ses intelligents. Point. Fait que face à une situation, ça peut être n'importe quel aspect de ta vie. Une personne qui te met face au mur à ça, mais tu vas être l'intelligence, même si à la limite, tu vas faire passer pour un cadre, mais dans ta tête, c'est intelligent ce que tu as dit, mais tu tiens ton bout, puis tu fais passer pour un cadre, mais au moins, c'est ta vérité, c'est ton réel à toi. Ouais, réel. Ah, c'est intéressant d'observer que la parole s'est réajustée. Ouais. Donc, de vérité au réel. Quelle est la distinction entre le réel et la vérité? T'as aucune polarité dans le réel. Pourquoi qu'il n'y en a pas? Parce que c'est pas c'est palpable le réel. Tu peux l'expérimenter, tu peux l'expérimenter, tu peux le vivre, c'est vraiment palpable. Là. Tu peux le toucher. Mais la vérité puis le mensonge, c'est subjectif. Mais le réel, est-ce qu'il est multidimensionnel? comprends pas ta question, désolé. OK. Il n'y a aucun problème. C'est que si le réel est palpable, est-ce que le réel, c'est seulement matériel sur le plan physique ou ça se retrouve aussi sur des plans subtils? Ah, sur des plans subtils aussi. Ouais, intéressante cette question-là. Ouais, mais moi, ça me dit, oui, sur aussi sur les plans subtils, justement pour. J'essaie de casser ça, là. Faut casser les limites puis les résistances, puis ouais, être ouais. capable de contester le silence pour les faire Ouais, parler. ouais, ouais. Pour les faire parler. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là sur, ouais, sur les subtils? Ouais. Les mondes subtils. Ils me la sortent pas. Ah ben là, il faut monter en vibration, mon cher. OK. OK, on va faire l'exercice autrement. OK. Tu vas faire la phrase suivante. Puis tu la complètes avec ce qui émerge. OK, c'est bon. L'esprit me dit que les mondes subtils sont. Ben, ce qui émerge, c'est réel. Sont réels, L'esprit, OK? ce qui est le monde subtil, sont réels. Puis, sont pas palpables. Puis c'est ce qui fait partie de la vie de tous les jours, constamment, qui nous joue dans la tête, constamment, constamment, constamment. Mais pourquoi qu'ils nous jouent dans la C'est. tête? Comment qu'ils font ça pour nous jouer dans la tête, eux autres? Comment ils font. Ils veulent qu'on régresse, ils veulent pas qu'on évolue, ils veulent pas nous voir évoluer. C'est à cause qu'on est une machine tellement extraordinaire, ils veulent nous écraser au maximum. Mais pourquoi qu'ils veulent ça? Ils nous aiment pas. Pourquoi qu'ils veulent. C'est qui veut ça, puis pourquoi qu'ils veulent ça? Ils nous voient comme des menaces. Mais c'est qui nous voit comme des menaces? Ben, les autres. Toutes les autres. Voyons, les autres, c'est le mot qui me vient, c'est le peuple, les autres races, les autres. Ils nous voient comme une menace à cause qu'il n'y aura plus de monopole, justement, de pouvoir se nourrir de nous autres constamment. Mais c'est qui ça, eux autres? Toutes les autres plantes, tout ce qui est intangible. J'ai le Est-ce mot que c'est le fantôme qui me vient dans la tête, mais OK. c'est pas bon, là. Ben oui, ben moi ce que j'ai capté, c'est que il y a le plan astral puis le plan mental là qui. Ouais. Bon. Mais pourquoi c'est de même? OK. Pose-moi là autrement, voilà la question, s'il vous plaît. OK. Qu'est-ce que l'esprit dit par rapport à des êtres qui ont intérêt à ce que l'être humain n'évolue pas? C'est une voix. C'est encore le mot menace qui vient en tête, là. Ils nous voient comme une grosse menace. Puis, on va tout prendre. Pas qu'on va tout prendre la place, et on va faire des gros bouleversements dans le cosmos qu'on va émerger. Puis, eux autres sont confortables présentement, qu'on soit monopole. Fait que, comme toute personne qui a le monopole, puis qui ont les armes en place, puis sont bien dans le confort, mais nous autres, on va tout brouiller ça, puis on va tout brosser cette merde-là, là. Fait que là, nous autres, en ce moment, l'humanité est pas tout à fait à l'adolescence, mais ça sert à rien, on t'a dit, puis ça pousse très, très, très, très fort, puis eux autres, ils ont peur les petites fesses. Donc, autrement dit, l'être humain en voie d'évolution fait peur à certains êtres du cosmos. Oh oui, de façon effrayante. Oh oui, puis c'est. Mais c'est encore là, eux autres, ils restent dans la peur parce que on sera pas. On va être trop évolué, trop intelligent pour justement faire peur au monde parce qu'on était de nature pacifique. Un coup évolué, puis rendu au plan moral, on va être des gens pacifiques, on va être rien de menaçant, là. On ne sera même pas proche de l'involution, du coup, qu'on va être émergé. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'être humain va devenir pacifique? Parce que c'est pas intelligent, la violence. Ça va pas avancer l'homme, puis tout ça. On sera plus dans l'involution. Il n'y aurait absolument aucune intelligence là-dedans. Puis un coup qu'on va être rendu au plan moral, puis tout. Puis de lâcher la matérialité, là, le côté matériel. On sera même plus proche de ça. Là. On parlera plus des mêmes choses pantoute. Comment je peux dire ça? Quand on va passer présentement notre moment présent qu'on vit là en ce moment, on va se voir comme si on était des hommes de gouvernement avec notre grosse hache, là, puis bang, bang, bang, bang. Quand on va être rendu juste au niveau de la pensée, puis se promener d'un monde à l'autre juste par la pensée, on va être bien, bien, bien loin de nos petits fusils pow-pow, là. On sera plus là pantoute. Mais qu'est-ce que l'être humain peut faire concrètement maintenant pour être pacifié dans le mental, être dans la paix de l'esprit? Maintenant, t'es go de côté. Puis quand tu vis une confrontation avec quelqu'un, puis tout ça, mais arrêtez d'essayer d'avoir raison, puis dis oui, monsieur, puis tu vis pacifiquement, puis ravaler, puis puis comprendre la personne, ce qui est rendu dans son évolution, puis c'est de vivre en société, dans le fond. Là. OK. Ouais. Qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à l'orgueil? L'orgueil, c'est très, très, très, très dévastateur pour l'homme. L'orgueil, ça fait pas évoluer, ça fait stagner. C'est une zone de confort. Ouais, l'orgueil, c'est une zone de confort pour l'homme. Puis, il est bien dans ses petites habitudes, puis dans ses affaires. Puis, dérange-le pas trop parce que ça fait penser à... Ça il fait mal, puis c'est un manque d'effort, ouais, puis c'est rien d'intelligent. Puis il va détruire tout ce qui est alentour de lui, justement, pour garder cette zone de confort. C'est pas très intelligent, l'orgueil. Pourquoi que l'être humain cherche à être dans une zone de confort? Parce qu'il a peur. Pourquoi qu'il a peur? Il a peur de... Et il a peur pour son ego, il veut dire « Hey, je vais mal paraître, je réussis pas telle affaire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » C'est constamment ça, là. C'est juste de ça. Il faut pas se faire froisser, hein. Il voit de l'air être là. Ah, il s'est planté, ah bon. Et on savait bien qu'il était pas pour être capable. Regarde, c'est ça. C'est juste la peur de se faire juger. Puis, est-ce que l'influence de la société et son rapport au collectif est a un impact là-dessus? Impact sur quoi? Sur la peur d'être jugé. Ben oui, effrayant. Je te dirais à 70% des malaises, des dépressions, tout ça, c'est pas mal ça, là. Ah oh, oui. Qu'est-ce que l'être humain peut faire pour se libérer de l'influence de la société? Ce qui me vient à l'esprit, c'est les envoyer chier. Pourquoi pas? Eh oui, puis c'est ce que je fais constamment, moi, de toute façon. Moi, je fais mes petites affaires tranquilles, puis tout ça, au travail, puis fais pas ton affaire, mais va jouer ailleurs, pas plus long que ça. Vas-y, au pire, allez, tu mettras à la porte, là. C'est pas plus long que ça. Je m'en vais d'abord me trouver une job demain matin. Fait que déjà là, j'ai éliminé un paquet de peurs. Au niveau travail, au niveau sentimental, la même affaire. Il faut travailler conjointement. Hein, puis si tu n'embarques pas le poids, mais on a de l'air d'être l'une, mais regarde, débarrasse, out, ramasse les affaires. Puis là, je ne suis pas dans le paraître. Bon, qu'est-ce qu'ils vont penser? Fait trois femmes qui passent en 5 ans, mais c'est ça. Moi, j'avance. Je ne veux pas me faire retenir, là. Donc, autrement dit, l'être humain va s'affirmer. S'affranchir. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est quoi ça, de l'enfranchissement? Se libérer de toute peur, de toute polarité, s'affranchir de ce qui nous retient constamment par la société puis dans le pareil. Sortir de prison, ouais. Est-ce qu'il y aura un lien entre la volonté puis l'affranchissement? Ça prend de la volonté, ouais, puis s'affranchir, oui. Pour tenir nos idées en place, puis ça prend de la volonté justement pour tenir nos idées en place. Parce que si tu tiens tes idées en place, tu restes centré, puis tu restes dans ton intégrité, puis tu te respectes toi-même d'abord, là. C'est primordial, c'est la base de tout. C'est quoi ça, du respect de soi? S'écouter. Je veux dire, il y a la petite voix qui dit en dedans, hey, je sais que j'ai raison, puis je suis à l'aise là-dedans, puis ça vit bien en dedans de moi. Puis, Caroline, non, je garde mes idées, puis j'avance pareil, puis je vais lui montrer qu'il n'y a pas raison. C'est ça, c'est une sorte de volonté, puis c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait évoluer l'homme, puis c'est le même que tu apprends à connaître un peu mieux. Puis la petite voix intérieure que la personne écoute, est-ce que c'est son esprit? C'est l'âme. Oh! Ouais. C'est l'âme qui parle, mais qui peut être affûtée par l'esprit. Oh! Et ouais. Est-ce que l'esprit peut se manifester à l'être humain sous la forme également d'une voix ou c'est seulement l'âme? C'est seulement l'âme. Parce que c'est... Ouais. Puis, quelle est la relation entre l'âme et l'esprit? Brouillée. Pourquoi qu'elle est brouillée? Ah, Colin. Parce que il y a trop. Notre mémoire, il n'y a pas de ménage à cette fête dans notre caboche, dans notre tête. Il y a trop, là, justement, depuis Bernard est descendu sur Terre, là. Il y a trop. Il y a. Il faut remettre notre mental en ordre. Puis là, il y a tellement de bouleversements au travers le mental, l'esprit, l'humain, l'humanité en général, les religions, tout ça, qu'il faut tout remettre notre tête en ordre et se vider l'esprit pour pouvoir rentrer des nouveaux meubles. C'est pour ça que c'est cacophonique là-dedans. Là. Il y a un gros ménage à faire, il y a beaucoup de balais qui se donnent présentement, mais ça en prend. Ça va prendre deux, trois générations avant de replacer l'esprit humain. Ça, c'est par rapport au collectif, mais au niveau individuel, est-ce que c'est la même chose? Je te dirais que oui. Pourquoi? Au niveau individuel, c'est... Ben, moi, je parlais tout... Niveau collectif, individuel. Relance-moi donc la question, s'il vous plaît. OK. Est-ce que l'esprit te dit des choses différentes par rapport à l'évolution collective versus celle individuelle? Oui, parce que c'est au niveau collectif, c'est un paquet de... d'individus qui créent des liens, puis au travers de ça, des liens, ils se créent des mensonges. Au travers des mensonges, ben, le monde, ils sont dans la croyance au travers de ça. Fait que ça, c'est au niveau collectif. Fait que, ils s'accrochent tout à ça, puis à un moment donné, c'est un paquet de petits mensonges d'un bord puis de l'autre, puis ça crée un égrégore que les autres, OK, on part là-dessus, puis ils partent le parade. Mais au niveau individuel, ben, ça, c'est juste ta pensée à toi, que c'est toi à tout démêler ce fouillis-là que tu as dans ta tête. Fait que ça reste seulement à toi, d'après ton discernement, ce que tu analyses de tous les jours là, face à une situation X, Y, Z, mais ça t'appartient seulement à toi. Il n'y a pas personne qui va t'influencer à l'extérieur de toi, sans ça. Qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à l'influence des médias sur l'individu? Gros mensonge total. C'est de la poudre aux yeux, c'est du blablabla. Quand même qu'il n'y a pas de médias, on ne serait pas trop en peine non plus. Là. Même si je pense que la société, ça porterait encore mieux. Mais là, il faut pas que tu penses. Il faut que tu laisses l'esprit Ouais. parler. Ouais. Ouais. Parce que des fois, on peut porter des jugements personnels sur des choses. Mais là, il faut OK. que je veux t'amener purement dans l'impersonnel. Il faut que tu aies une dimension totalement du dépouillé du je, me, moi. Ouais. C'est pas évident, là. Regarde, moi, ça fait des années que je m'exerce à ça, puis je trouve pas ça encore évident, là. OK. Fait que je vais y aller avec une autre question. OK. Est-ce que l'esprit te dit que les médias de masse, présentement, ont une fonction particulière sur Terre? L'instant. OK. Je change de pièce, ce sera pas long. Y a pas de problème. C'est un esprit de masse sur Terre. Les médias de masse. OK. À quoi ça sert, les médias de masse? C'est juste contrôler l'humain, c'est le garder dans l'ignorance totale pour avoir une main prise dessus. Ça sert à qui, ça? Au gros bonnet, faut voir. Ben, ça sert purement à l'astral, ça. C'est purement ça. Le garder, ouais, à l'asservissement de l'humanité sous le joug de l'astral qui ne veulent pas lâcher le morceau. Pourquoi que les forces de la lumière laissent faire l'astral agir ainsi? Parce que on se doit de passer par là, puis ça fait partie de l'expérience humaine. Pourquoi qu'on doit C'est ça. nécessairement passer par là? Pour l'évolution, puis apprendre sur Terre. Est-ce que la désinformation sert l'évolution? Oui, je serais porté à dire oui. Puis excuse-moi, je suis encore dans le jeu. La réponse reste oui, pareil. OK. Moi aussi, j'ai capté Ouais. oui, là, de manière impersonnelle. Ouais. Pourquoi que Ouais. l'esprit dit que c'est oui que la désinformation sert l'évolution? Pour faire justement enrager l'humain pour qu'il puisse se sortir de cette. Pour faire voir au monde le mensonge cosmique, puis qu'à un moment donné, qu'ils viennent à s'écœurer, parce qu'à un moment donné, l'humain, il va se poser tellement de questions que, à force de questions, questions, questions, mais il y aura plus de place où se cacher, là, les forces du mal, à cause que justement, on va tellement toucher toutes les questions inimaginables qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'y voir la face tout le temps. Est-ce que l'esprit dit que de poser des questions, ça émet de la lumière? Oh, terriblement, ben oui. Ah ouais, il n'aime pas ça poser des questions. Ça fait mal les questions. Ça sort le méchant, les questions. Ça n'aime pas ça. C'est au travers de la parole que l'homme va s'affranchir de tout. Et là, le monde dit de se former à gueule, faire des méditations, faire une tabouette, dis pas un mot. Voyons donc, c'est le contraire. Faut parler. Qu'est-ce C'est au que... travers de nos Oui. échanges qu'il émerge un paquet de belles affaires. Puis justement, on a eu des preuves tantôt en parlant ensemble. Justement, on a ajouté chacun notre pensée, notre parole, puis ça sort des belles affaires. C'est ça, la création. Exact. Qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à l'activité qu'on fait présentement? Très bénéfique. Ouais, c'est très bénéfique, puis c'est sain, puis ça fait avancer Philippe. Excellent. Qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à l'évolution de l'argent? Ben, ça me dit tout de suite que le gros, c'est très bien, c'est bon pour l'humain, c'est bon pour les masses, mais à un moment donné, ça va tomber saturé. Pour l'instant, c'est bon, mais ça va saturer éventuellement, là, ça va tomber à d'autres choses. C'est quoi cette autre chose-là qui va remplacer l'argent? Ça me vient à l'esprit du troc. C'est bon, hein? Pourquoi ça me tient ça? Il me sort le troc. Ça va-tu revenir au troc? Ouais. Pourquoi le troc? À cause que c'est plus intelligent que présentement de la façon que l'argent est utilisé en ce moment. Ouais, ils vont s'en servir de façon plus intelligente via le troc que l'argent. Est-ce que l'émergence du troc va se faire après une situation de crise économique? Forcément, oui. Ouais, c'est un effondrement mondial des banques. Exact. J'ai biaisé un peu ma question. Je vais rester plus neutre puis objectif parce que ça, je suggérais une piste de réponse. J'ai suggéré une crise économique, mais il a fallu que je pose comme question. Tu vois, je me réajuste. Là, je retombe un peu dans le jeu. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le troc va remplacer l'argent? Qu'est-ce qu'on va faire que le truc va remplacer l'argent? Bon, ça vient à l'esprit, moi, c'est l'écœurement humain. Ouais, le monde va être écœuré à côté, puis ils ne sauront plus de quelle façon les aborder, fait qu'ils vont y aller via le truc. Me vient encore à l'esprit qu'on a acheté de la paix, je ne sais pas pourquoi ça me vient ça, là. Acheter la paix avec le troc? Ouais. OK. Qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à la situation d'endettement des gouvernements, là, des pays occidentaux? Mieux se planter pour mieux se relever. Ouais. C'est l'endettement des prisons. C'est mieux se planter pour mieux se relever. Quand ils vont se relever, ils vont se relever de façon encore beaucoup plus intelligente, puis que ça va être beaucoup plus rien qui me vient en tête là. Ouais, ça va être pour mieux. Ouais. Ils vont se planter solide. Puis c'est inévitable parce que la terre est saturée, est en manque de ressources totales. Qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à l'économie de croissance? Bizarre, ça m'a sonné en tête tout de suite, c'est l'économie de dépenses. De croissance, elle est pas mal à son apogée de croissance, elle va commencer à décroître. Par manque de ressources, entre autres. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir un manque de ressources? Surpopulation de la. Puis les sécheresses qui s'en viennent, puis. Ouais, Pourquoi des tout. sécheresses s'en viennent? Parce que trop de coupes à blanc côté arbre, entre autres. Puis ça fait très, très, très, très mal. Puis, oh, oui, il y a beaucoup de replantage, mais il est un peu tard là-dessus, là. Est-ce que les sécheresses vont être localisées à certains endroits sur Terre ou elles vont atteindre l'ensemble de la population? L'ensemble de la population. Ouais. Ça va faire mal partout, en Europe qu'ici, en Occident, là. OK. Qu'est-ce que l'être humain présentement a à faire par rapport à la société? Beaucoup de compassion. Ouais, ça commencerait par ça, je dirais. La compassion, ça serait l'atelier pour aider un premier bon pas pour l'humanité. Ça serait la compassion, ouais. Ça, c'est comprendre ce que l'autre vit, se mettre dans ses bottines 30 secondes avant de parler. Qu'est-ce qui fait que l'être humain devrait faire plus preuve de compassion? Dans son trop égoïste, on trouve dans son individualité, puis ça c'est pas intelligent, puis ça fait pas avancer la société pantoute, là. Et ouais. C'est quoi ça de l'individualisme? Non. C'est quoi de l'individualisme? L'individualisme, c'est tu penses juste à toi, puis tu fais tes petites affaires tranquille, puis une personne qui a besoin d'aide, tu t'en fous pas mal. Tout ce qui est en dehors de l'intelligence, là, dans le fond. Ben, pas en dehors. Ouais, en dehors de l'intelligence. C'est non collectif. L'individualisme, c'est une personne qui. Une personne va être en détresse, supposons, mais ils ne sont pas là pour essayer de l'aider. L'individualiste, c'est lui qui ne sera pas un travail d'équipe quand tu as un travail d'équipe à faire, mais ils ne sont pas là pour aider, pour amener des idées constructives ou pour avancer les choses. Pourquoi qu'il y a des êtres humains individualistes présentement à la surface du globe? Parce qu'on est rendu là le plan d'évolution. C'est un pour. Il est à l'école, fait qu'il est là pour apprendre. Puis, il va apprendre son individualisme. À un moment donné, il va évoluer un peu plus, puis il va apprendre d'autres choses. Donc, autrement dit, c'est temporaire. Oui. En effet. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'être humain va sortir de son individualisme? Ça me vient dans la tête, à force de manger des claques à gueule, il va comprendre. Donc, autrement dit, les oppositions de la vie. Ben oui, c'est sûr. Ouais, les oppositions de la vie, ouais, c'est bien dit, ça. Ouais, les oppositions de la vie, à un moment donné, tu vas comprendre. Il va comprendre par lui-même pourquoi c'est pas intelligent d'être tout le temps individualiste. Puis, comprendre que c'est pas payant, puis ça l'aide pas pantoute non plus, là. Donc, autrement dit, c'est lorsque l'être humain va souffrir des limites de l'individualisme qu'il va arrêter d'avoir ce comportement. Oui. Exact. Ouais. Il va comprendre à la dure, mais c'est comme ça. Est-ce que, à part de comprendre sur le plan expérimental à travers les chocs, il peut comprendre également autrement? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas du réel, sinon. Il faut qu'il comprenne. Parce que ça, c'est vraiment du concret, c'est du réel, c'est la meilleure façon d'apprendre. Est-ce que dans l'avenir, il y aura d'autres façons d'apprendre? En dehors du réel? C'est-à-dire en dehors de l'expérimental. C'est-à-dire à travers l'expérience. Oui, ça me vient à l'esprit, c'est nos niveaux vibratoires, ça va venir. Au niveau des intuitions, au niveau, on va pouvoir apprendre à travers ça. Qu'est-ce que va faire en sorte que l'être humain va pouvoir procéder à partir de ce type de fonctionnement dans l'avenir? Affûter puis écouter plus ses intuitions, puis à un moment donné, c'est une force de. Ça va donner comme une sorte de muscle, hein, les intuitions. Ça va donner une sorte de muscle, puis ça va plus que tu vas le travailler, plus ça va s'affûter, plus ça va se venir aiguiser. Fait que ça va se travailler, puis c'est comme ça que ça va devenir un automatisme. Puis, est-ce que, par exemple, de parler à voix haute en canalisant, ça peut être un moyen pour y arriver? Oui. Oui. Très beau parallèle, oui. Oui, en effet. Oui, comme qu'on fait là présentement. Exactement, fait que ça sert à quelque chose. Bien, certain. C'est intéressant. Mais c'est ça, j'ai encore du travail à faire. Ça vient bien. Oui, bien, moi aussi, parce qu'à travers l'exercice, ça, je vise à m'adapter puis poser des questions objectives, puis il ne faut pas que j'oriente les réponses. Non, c'est pas facile, hein? Non, exactement, parce que j'ai tendance à vouloir suggérer des réponses, mais il faut pas, Ouais. parce que sans ça, ça va biaiser le résultat. Exact, c'est vrai. Fait que c'est un travail des deux côtés. Les gens qui nous écoutent, à la fois la personne qui pose les questions puis qui répond. Parce que si moi, je suis subjectif, ça colore la La question réponse. aussi exacte. Ouais. En terminant, Oui. qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à l'exercice qu'on vient de faire ensemble ce soir? Très bénéfique pour Philippe et David, entre autres. Puis c'est très bien. Puis tu as une belle piste là-dessus à Philippe, qu'on voit qu'il va pouvoir se pratiquer à tous les jours à affûter ce côté-là. Ouais, c'est intéressant. J'ai bien aimé ça. Ah ben tant mieux, ben moi aussi. Fait que là, Oui. on sort de l'exercice, puis là, je te parle un peu après exercice. OK, c'est parfait. Donc, comment que tu t'es senti pendant l'exercice? Fou. Excuse-moi, c'est parce que Ben mêlé. même elle est OK? Oui, entre autres, oui. Qu'on ben pas mêlé, puis. Indirectement, mon ego l'a embarqué dans la peur, savoir savoir si je suis répondre les bonnes questions, tout ça. Puis, non, c'est particulier, mais c'était très, très, très, très intéressant. Est-ce que l'exercice t'a dynamisé? Qu'est-ce que tu faisais par là? Est-ce que ça t'a donné de l'énergie? Non, ça m'a brûlé plus qu'autre chose, t'avouer. OK, ben non, on est là pour avoir une perception honnête. Ouais. Oh. Non, ça m'a brûlé. Autre chose. Ouais. C'est spécial, hein? Ben c'est En sûr tout que cas, ça m'a siphonné de l'énergie. ça peut amener un état de fatigue. Ouais, OK. Parce que ça Tu t'amène à. m'apprends. C'est parce que ça t'amène à travailler ton cerveau autrement, puis ton cerveau n'est pas nécessairement habitué. OK. C'est un petit peu comme pour l'entraînement physique. Tu sais, si t'es pas habitué de soulever certains types de poids avec des muscles sur tes bras, OK. il y a une période d'adaptation. Puis la fatigue peut lier aussi au fait que ça a de l'impact par rapport à tes mémoires, ton fonctionnement habituel, puis de changer, ça demande un effort. Ben oui, c'est normal. Ouais. Ben oui. Non, c'est intéressant. Tu m'as mis une belle piste face à ça. J'ai bien aimé ça. Fait que ça, dans le fond, parler à son esprit, c'est donné à tout le monde. Ben, attends une Puis minute, c'est parce qu'il intéressant. y a différents niveaux de sensibilité des gens, tu sais. Ah, OK, c'est intéressant, ça, je C'est que savais tous pas les gens ne sont pas tous au même niveau. Donc, ça. OK. il y en a qui vont avoir une plus grande sensibilité perceptive par rapport à l'esprit, puis d'autres un peu moins. OK. Puis chaque Ça chose en se son. travaille comme un muscle, je suppose. Oui, il y a certains travails que l'individu peut faire en se branchant sur le ressenti, puis qu'est-ce que l'esprit lui dit. OK. Par contre, il y a un temps pour tout. C'est sûr que, par exemple, un enfant de 2-3 ans, c'est pas le temps qu'il fasse ça, il faut qu'il apprenne à marcher. Donc, Oui, OK, chaque chose en son temps, puis c'est sûr que il faut comprendre aussi que il y a des gens qui ont expérimenté de leur vivant le processus de la fusion avec l'esprit, puis d'autres non. Donc, il faut pas que ce soit un processus qui est brusqué, mais qui se fasse lorsque la personne en a l'élan intérieur. ouais. OK, Donc, ouais, non, c'est intéressant, c'est le fun. autrement dit, lorsque l'esprit guide la personne vers ça, elle va le faire, puis là, ça va se développer parce qu'elle est activée à l'intérieur d'elle-même pour bénéficier de ce type d'exercice-là parce que l'esprit veut passer à travers elle puis s'exprimer. Okay. Donc, c'est particulier. Fait que c'est en tout cas un exercice que je trouve intéressant à partager là, aux gens qui nous écoutent, là. Ouais, puis c'est le fun. Non, j'ai été bien, bien, bien, bien surpris, puis même surpris des réponses que je faisais. Même plus de mes réponses. Ah, ben c'est bon signe, ça. Parce OK. que quand on est en mode canalisation, on va répondre des choses qui appartiennent pas à notre mémoriel ou qu'on a réfléchi. Donc, OK. Eh à ce moment-là, ça va créer un effet de surprise parce que c'est de la nouveauté qui émerge. oui. Puis, ça nous amène aussi à développer l'art de mettre le pied dans le vide ou d'improviser puis d'être spontané, c'est-à-dire dire des choses qu'on apprend à mesure qu'on y parle. Ouais, puis réflexion, fait que c'est ça qui est pas pris. Ouais. Sortir de la réflexion, là, ça ouvre bien des portes. Vrai. Puis c'est rare, tu te trompes d'habitude. Tu te trompes pas d'habitude. Sortir de la réflexion. Oui, exactement. Parce que là, tu es en contact. Dans ma vie, tous les jours, toutes les décisions spontanées que j'ai prises, ce qu'on appelle les coups de tête, là, m'ont jamais vraiment trompé. Non. Ça a peut-être été con. Non, mais c'est sûr que si tu suis la vibration de l'esprit et tu es en contact avec le réel, tu peux pas te tromper. En effet. Puis il y a un adage aussi qui dit « Méfiez-vous de votre première idée parce que c'est généralement la bonne. » Ah oui, puis c'est vrai aussi. J'aime bien cet adage-là. Oui, parce que l'intuition, tu sais tout de suite. Puis après ça, c'est quand exact. Tu le réfléchis, parce que ça fait pas ton affaire. Tu sais, t'aimerais que ça soit, mettons, d'autres choses, que là, tu colores l'intuition de base, puis tu déformes l'information qui est ajustée. Tout ça, puis ouais, je te dirais que la première idée, on pourrait plus dire celle-là qu'on devrait plus étudier, ouais. Exact, celle qui pop-up là, spontanément dans le mental, là, qui émerge, là. Celle-là, la bonne. Oui, bien, il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas croire non plus, puis on peut être testé. Il y a des nuances à apporter. Puis surtout au début, quand on canalise, c'est facile de se faire piéger par la réflexion ou l'astral qui vont interférer dans le processus. Bon, tu lui laisses une chance, regarde. Tu vas me fourrer une fois, pas deux. Pas plus long que ça. On apprend tout le temps de nos erreurs. Hein. Encore là, il faut être indulgent envers nous autres parce que la planète reste une planète expérimentale. C'est là. Ça, exactement. Il faut se donner le droit à l'erreur. Tout en étant capable de se réajuster. C'est ça. Ah, bon, ben en tout cas, c'est intéressant l'exercice qu'on a fait ensemble, Philippe. Ouais, j'ai bien aimé ça. Un gros merci. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement. Et puis, je te remercie donc de ta participation, d'être prêté volontaire comme ça, spontanément, là, à cet exercice de canalisation. Mais ça m'a fait plaisir. Puis, un chic type, mais un gros merci. OK. Donc, je salue les gens qui nous écoutent, puis à bientôt. Oui, à la prochaine.